41e leçon. Réservons une table. Bonsoir. Je suis bien au restaurant Les Savoyards? Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur. Mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien, à part une toute petite table qui est près de la cuisine et... Ça ne fait rien. Je la prends. Je m'appelle Desroches. Voulez-vous bien l'épeler, s'il vous plaît? Desroches. Merci, monsieur. À tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Rabelais. Exercice. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Elles ne peuvent pas venir. Ça ne fait rien. J'arrive vers 9 heures. Vous êtes bien français? Non, désolé. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain.